Salut, salut, salut, comme tous les dimanches, 21h jusqu'à minuit, Lost in Space, rendez-vous rock, punk, musiques expérimentales diverses et variées. Cette semaine sera plutôt sous l'angle de la Cold Wave avec, pour commencer, les Cure, donc pas trop de punk, donc effectivement cette semaine, mais plutôt de la musique gothique un peu sombre. Allez, c'est parti. Thank you. Tout autour de l'île Vassilievski, en une vaste mer, s'étendait le monde. Là-bas, il y avait eu la guerre, puis la révolution. Mais dans la chaufferie, chez Trofim Ivanitch, la chaudière faisait toujours entendre le même grondement. Le manomètre indiquait toujours 9 atmosphères. Seul le charbon avait changé. Avant, il y avait du Kardif, à présent, c'était du Donetsk. Le Donetsk s'effritait, la poussière noire envahissait tout, impossible de s'en défaire. Et l'on eût dit que cette même poussière noire avait imperceptiblement tout recouvert dans la maison aussi. Apparemment, rien n'avait changé. Ils continuaient à vivre tous les deux sans enfants. Sofia, bien qu'elle approchât de la quarantaine, avait le même corps d'oiseau léger et austère. Ses lèvres, qui semblaient closes à jamais pour tout le monde, s'entrouvraient toujours la nuit pour Trofim Ivanitch, et pourtant, il y avait quelque chose qui clochait. Quoi au juste, ce n'était pas encore bien clair, cela n'avait pas encore pris la consistance des mots. C'est plus tard, en automne, que ce fut dit pour la première fois, et Sofia le marqua dans sa mémoire. C'était dans la nuit de samedi, il y avait du vent, les eaux de la Neva montaient. Little Red Riding Hood, I don't think it'll be good. Will Cuppy, le jeune américain, jeune en tout cas pour les vieux barbons de mon espèce, qui a écrit l'intégralité de l'ouvrage que voici, à l'exception de la présente préface, peut revendiquer, à l'heure où nous mettons sous presse, trois titres de gloire. Il est capable de distinguer ses amis des grands singes, ce qui n'est pas à la portée de n'importe qui. Il est l'auteur de ce qu'on a dit de plus pertinent jusqu'à présent au sujet des Pékinois, à savoir « Je ne vois vraiment pas pourquoi ils ont l'air si contents d'eux. Ils ne sont pas mieux que nous. » Et il est depuis si longtemps le chef de file de la critique littéraire américaine dans le domaine du roman policier que même s'il n'a encore jamais assassiné un baronnet dans sa bibliothèque, il connaît 57 façons différentes de s'y prendre et de faire porter des soupçons sur le majordome. Les auteurs d'énigmes policières laissent peut-être des milliers de lecteurs dans le brouillard, mais pas Will Cuppy, vous pouvez me croire. C'est ce genre de type qui a déjà tout deviné dès la fin du chapitre 2. Il est toujours un peu délicat de composer la préface d'un livre comme celui-ci. Les critiques sont des gens susceptibles et si j'ai le malheur de dire que ce volume est un des plus drôles que j'ai jamais lu, ils risquent de faire la grimace et de laisser entendre qu'il vaut mieux leur laisser le soin d'émettre ce genre de jugement. Je restreindrai donc mes propos à l'utilité du présent ouvrage, une qualité que personne, j'imagine, ne songera sérieusement à lui dénier. Oh, change. Hope everything is alright. What's that floating in the water? Oh, Neptune has only daughter. Combien de fois nous est-il arrivé d'assister à un dîner où notre voisin de droite nous lance à brûle-pourpoint ? Et maintenant, Monsieur Robinson, ou Monsieur Abbott, c'est selon, j'aimerais que vous me parliez un peu des pingouins. Ce qui a tendance à nous laisser pantois, très occupés à réduire en miettes un morceau de pain. Eh bien, grâce à Mr. Cuppy, jamais plus nous ne courons le danger de nous retrouver dans une position aussi gênante. Un simple coup d'œil à notre exemplaire de « Comment distinguer vos amis des grands singes » que nous aurons pris soin de cacher dans notre serviette et nous répondrons d'un ton assuré. Les pingouins sont des animaux très dignes. Il faudrait des années pour prendre un pingouin en flagrant délit d'indignité et franchement, ça n'en vaudrait pas la peine. Le pingouin moyen a l'âge mental d'un enfant d'une huitaine d'années, mais ça ne l'empêche pas de réussir à voir sa photo dans le journal. Il faut un expert pour distinguer un pingouin vivant d'un pingouin empaillé. Il est probable que la plupart des pingouins sont empaillés. So hard being somebody else. Just to please you, I could be you. I know everything that you'd say. I don't need you, but I pretend to. I can't say I'm sorry it ended this way. You're acting silly, dear. I whispered in your ear. But you already had so much practice. You always wanted to be an actress. But I'll be myself. It's so hard being somebody else. Pictures worth a thousand tears. I tried so hard to work it out. I finally figured I could do without. I'll just be myself. It's so hard being somebody else. It's so hard to please you. Such a relief. You're probably glad to get rid of me. And I can be myself. It's so hard being somebody else. Just to please you, I could be you. I know everything that you'd say. I don't need you, but I pretend to. I can't say I'm sorry it ended this way. I'll just be myself. It's so hard being somebody else. Just to please you. Hard being somebody else. Just to please you. It's hard being somebody else. Try again. Green trap kid is where I've been. Step inside in. Whatever will remain. Both of us will lie again. Captured with a shame. Leave in silence. Don't cause any pain. Live above it in your brain. Be the same again. Came and fell. Oh, À peine ces paroles ont-elles quitté nos lèvres que notre voisine de gauche, nous frappant le poignet de son éventail, espiègle qu'elle est, nous demande « Et les tigres, monsieur Fosberry ?» Et aussitôt du tac au tac. « Les tigres vivent en Asie dans des noulas et des choloses. Ils grimpent rarement aux arbres, mais ne vous y fiez pas plus que ça. Les jeunes tigres normaux ne mangent pas les gens. Si vous êtes mangé par un tigre, vous pouvez être sûr que vous avez affaire à un anormal. Une fois par hasard, un tigre normal mangera en effet quelqu'un, mais il le fait sans penser à mal. » C'est avec plaisir que je cite ce passage, car sa bienveillante largeur d'esprit me ravit. Ailleurs, dans son livre, Mr. Cuppy est parfois enclin à adopter un ton un peu caustique. De temps à autre, il s'exprime même en homme déçu, en homme qui a trop côtoyé de rhinocéros et d'hippopotames, ou qui n'a peut-être pas côtoyé les rhinocéros et les hippopotames du meilleur monde. Il est si fatalement aisé de juger une espèce entière à partir d'un seul individu. Donc, lorsque Mr. Cuppy, parlant du rhinocéros, dit que sa physionomie est entièrement dénuée de charme et que son profil est à désespérer de tout, on devine l'amertume d'un homme qui a eu maille à partir avec un rhinocéros en particulier et qui s'est laissé aveugler par le parti pris. Thank you. See ya! On ne peut jamais savoir comment un grand costaud de Polonais réagira en trouvant une femme nue dans sa salle de bain. Surtout si c'est un boxeur poids lourd, né derrière les parcs à bestiaux, marié à 1 million de dollars et qui a un dossier psychiatrique. Bye. zo verloren is de superman. Maar ik breng het bij je terug. Ik vraag het aan de kassa, het is jouw hoofd, het is jouw hoofd. Ze mogen het niet houden, het is niet van hem. Ze mogen niets verkopen, dat van jou is, het is jouw hoofd. Ik breng het bij je terug, niet bang zijn, niet bang zijn. Niet bang zijn. Maar ik breng het bij je terug. Ik vraag het aan de kassa. Het is jouw hoofd. Het is jouw hoofd. Ze mogen het niet houden. Het is niet van hen. Ze mogen niets verkopen dat van jou is. Het is jouw hoofd. Ik breng het bij je terug. Niet bang zijn. Niet bang zijn. Niet bang zijn. Niet bang zijn. Niet bang zijn. Niet bang zijn. Il peut faire un tas de choses. Il peut lui dire de sortir, il peut crier pour appeler sa femme, il peut perdre ce qui lui reste de bon sens, il peut même faire ce que fit Barney Mandel, retomber sur ses pieds. We'll be right back. C'est une histoire qui est vraiment arrivée à Chicago. C'est arrivé à Barney Mandel l'après-midi du jour où il avait été libéré de l'asile, considéré comme guéri, parce qu'il n'avait plus tordu le cou à un seul perroquet au cours des deux dernières années. Okay, the miners' strike is about people taking responsibility for their own lives and standing up to the shit. And admittedly, they get beaten around the head for it, but it's because they pose a threat, and that's why we support them. Switch on the TV! Miners are getting arrested! People never really give her a chance. So she is the victim of a circumstance. So she spends her whole day sitting round her trance. She needs a hard shoulder to cry on. She needs a hard shoulder to cry on. She needs a hard shoulder to cry on and rely on herself. John was always saying that he's just been betrayed, but he's always boasting about the birds that he's laid. Gets a star from Playboy and the girly parade, but it seems he never really makes a grade. He needs a hard shoulder to cry on. He needs a hard shoulder to cry on. He needs a hard shoulder to cry on and rely on himself. bureaucracy, sympathy, you're in the wrong place. Standing there with tragedies on my rear face. Don't get so hung up if you don't hold every ace. Cause all you'll get from me, love, if you can't take a pace, is a hard show to cry on. It's a hard show to cry on. It's a hard show to cry on. And rely on yourself. For the switch. Re-up. For boys and storms. Hey! Re-up. For tragic gifts. Real for the hideaways. Hey, hey, hey, bring up for the paralyzed angel. Bring up for the last track. For the liberties. Ooh. Ooh. For the liberties. Yeah. Real. For the born hungers. Real. For the sizzling hunters. Yeah! Ah oui, à propos, la femme nue était morte. Barney était assis sur un tabouret de bar cet après-midi-là. Le jour tombait, il faisait froid. À 5 heures, il se mit à pleuvoir. Dehors, les réverbères et les enseignes au néon s'allumèrent. À 5h05, Barney poussa son verre sur le comptoir pour la 16e fois. Encore un. Le barman lui remplit son verre. « Où est-ce que tu le mets ?»« Dans ma jambe gauche, » lui confia Mandel. On the hunting down the innocent children that are struggling in the shadows of restriction. Dangerous animals lurk inside the concrete, bursting silently, unseen by all. Desperate criminal motivations waited, surfacing only to resist detection. Falling from the wooden chair, a one-arm grabbing at nothing. The moment comes from nowhere, laughing with merciless triumph. This marble grave concealing the bright ivory moon. The days were like cardboard, shapeless and predictable. We were invisible priests and appeared to the slaves quite strange. And then we became invincible, seeping back through the wallpapered openings. The vicious moving on the surface. The wise were dying young. Some were exchanging glory for gold. Some were going insane. Broken fingers towards the summit. A golden sun shone down, blinding the town, scorching the earth. Some soldiers wouldn't fight and made it clear that if all men could believe in that one word, we would live and die, but live forever. The vicious were living on the surface. The wise were dying young. Some were exchanging glory for gold. Some were going insane. Going insane. Red teeth, hunting down innocent children that are struggling in the shadows of restriction. Dangerous animals lurk inside the concrete, bursting silently, unseen by all. Desperate criminal motivations waited, surfacing only to resist detection. Falling through the wooden chair, a one-arm grabbing at nothing. Comes from nowhere, laughing with merciless triumph. Il buvait le whisky à petits coups en se demandant pourquoi ça ne le réchauffait pas. Il se sentait glacé, aussi glacé que la pluie qui battait la fenêtre. Il était triste. Peut-être qu'il ne se réchaufferait plus jamais. Il se voyait, lui, un grand gabelon avec le nez écrasé des boxeurs, repoussant le verre vide de ses doigts spatulés et mettant une annonce à la rubrique « Message personnel » du Chicago Tribune. Il en relisait le texte. « Reviens à la maison, Gail. Je t'en prie, reviens à la maison, mon trésor. J'ai besoin de toi. » We'll be right back. taking my revenge. For this man in white, that's you. Says he has no friends. Go to the swollen up grid. Arrest the cans. And the trees are burning. Then you promise fun. Well, the half don't let us in the box. And there are no grids upon the back. In the caverns of the witch, stop the reason of the doctor when you sterilize the bitch. The only man of energy, yes, the revolution surprise. The entire earth would wait, just a human on the chart. Le jour où tout a commencé, un chaud samedi d'août, j'avais quitté mon travail peu après midi. Je m'appelle Tom Wallace. Je travaille au service de documentation de l'usine d'aviation nord-américaine à Inglewood, en Californie. À ce moment-là, nous habitions à Hawthorne dans une résidence. La maison que nous louions appartenait à l'une de nos voisines, Mildred Sentas. En général, je faisais d'aller-retour entre mon domicile et l'usine en compagnie d'un autre voisin, Frank Wanamaker, chacun de nous utilisant sa voiture à tour de rôle. Mais Frank n'aimait pas travailler le samedi et ce jour-là, il avait réussi à se faire excuser. C'est donc seul que je rentrais chez moi. Thank you. En abordant les streets, j'aperçus devant notre porte une vieille voiture à la carrosserie bien briquée et je sus que Philippe, le frère d'Anne, était venu nous rendre visite. Philippe était étudiant en psychologie à l'Université de Californie à Berkeley et il descendait parfois à Los Angeles pour le week-end. C'était la première fois qu'il venait nous voir dans notre nouvelle maison. Nous avions emménagé 2 mois plus tôt seulement. Wieder schreibe, es ist nichts, nichts von Bedeutung, es ist nur alles, was mir einfällt heute Nacht. Das sind Geschichten in Büchern gelesen, Geschichten aus dem täglichen Sterben, Geschichten, die mir keiner glaubt, das sind Geschichten und sie sind geklaut. Fiel mir ein, man kann es besser sagen. Nachher fiel mir ein, was ich falsch gemacht hab. Das Telefon steht vor mir, ich fass es nicht an. Es gibt so viel und nichts, was ich dir sagen will. Das sind Geschichten in Büchern gelesen, Geschichten aus dem täglichen Sterben, Geschichten, die mir niemand glaubt. Das sind Geschichten und sie sind geklaut. Durch ein Fenster und kann nichts erkennen. Keine Konturen, das Bild war ein Schatten. Der Schatten ein Traum, das Licht Illusion. Das sind Geschichten in Büchern gelesen, Geschichten aus dem täglichen Leben, Geschichten, die mir keiner glaubt. Das sind Geschichten und sie sind geklaut.